quoi. Devant toi nous sommes venus. Dieu fidèle, plein de bonté. Devant toi nous sommes là. À ta croix, à tes pieds, nous sommes rapprochés. Le Seigneur qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Notre Créateur, notre Dieu, le Créateur incréé, celui qui n'a jamais été créé, c'est celui que nous sommes en train d'adorer. Oui, il est Dieu et il restera toujours Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un lieu de préparation. De préparation à la transformation. L'espace qui nous est donné, c'est un espace où chacun est confronté à ses faiblesses. Chacun est confronté à ses problèmes. Chacun est confronté à ses difficultés. Chacun connaît bien ses faiblesses. Mais nous sommes dans cet espace pour chercher, pour nous préparer. Ce n'est pas pour rien Jésus-Christ, après son baptême, il est allé vers le désert. C'est bien nommé Djangwa. Nous sommes pendant le moment de désert. Nous sommes pendant le moment de sécheresse. Nous sommes confrontés. Chacun est confronté à soi-même. Ne regarde pas ton voisin. Ton voisin peut être dans une bonne relation, peut-être avec son Dieu. Mais ici, j'aimerais demander à chacun d'être confronté à soi-même. Chacun connaît ses faiblesses. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous sommes en train de nous préparer à la rencontre avec le roi. Voilà que je supplie quelqu'un à ce que le désir de ton cœur puisse encore monter. Que tu aies soif de parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu de tes difficultés. Parle à ton Dieu de tes faiblesses. Parle à ton Dieu de ton ministère. Parle à ton Dieu de ta foi. Nous sommes là ce soir. Car la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est devant Dieu où nous nous amenons avec nos charges. Parce que c'est lui qui va nous décharger. Pendant ce temps, on nous chante Moussalaba toujours. Nous montons encore dans la prière. Nous disons à Dieu, Seigneur, nous sommes là. Voilà mes difficultés. Je te les présente pendant ces moments de jungle. Voilà mes faiblesses. Je viens devant toi avec mes faiblesses. Fais en sorte que mes faiblesses aujourd'hui puissent tomber, puissent disparaître. Que je puisse surmonter ces faiblesses. Nous montons dans la prière. Nous disons à Dieu, nous sommes là. Nous sommes au devant de toi. C'est toi qui peux tout. C'est toi qui peux me transformer. C'est toi qui peux me décharger. Nous sommes là, Seigneur, ce soir, au devant de toi. Dans le désert, qui est un passage nécessaire. Un passage vers un nouveau départ. Un passage vers de nouvelles choses. Un passage vers une nouvelle dimension. Un passage vers la montée. Un passage vers l'excellence. Un passage pour un temps. Nous sommes là, Seigneur. Le peuple d'Israël. Passage vers la mer rouge. Le peuple élu sont passés pendant 40 ans au désert avant d'entrer dans la terre promise. Nous également ce soir, nous sommes au devant de toi pour faire un passage vers la gloire. Jéhovah fait de sorte que ce soir, nous puissions faire un passage de difficulté vers la facilité. C'est vrai, Seigneur, ça a beaucoup duré, mais nous sommes là ce soir encore devant toi qui peux nous décharger. Au nom de Jésus. Devant de toi, nous sommes encore là. Nous avons la soif de te rencontrer ce soir. Nous avons la soif de vivre ta main dans nos vies. Nous avons la soif d'être dans la prochaine vers toi. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, fais grâce. Un lieu où la foi est testée. Nous sommes dans un espace où la foi est testée. Nous sommes dans un espace où chacun est confronté à son Dieu. Chacun est confronté à son Dieu. C'est ici les hommes de foi montent dans la prière. C'est ici où on ne voit pas qui est à côté de moi. C'est ici où on soumet à Dieu ses faiblesses et ses difficultés. Nous sommes encore en train de profiter de ces instants. Nous montons encore dans la prière. Nous disons à Dieu, nous sommes là. Pendant ce lieu de passage, nous voulons passer pour expérimenter de nouvelles choses. Yes, so I'll Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Tu nous as montré le chemin à suivre. Jusqu'après ton baptême, tu es passé par le Jourdain. Après le baptême au Jourdain, tu es passé 40 jours dans le désert pour être confronté à ta foi, pour être confronté à la dimension de ta foi. Voilà pourquoi nous sommes là encore ce soir. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir augmenter encore notre foi, puisque nous avons besoin de toi, puisque sans toi nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi nous montons en prière vers toi qui peux tout, vers toi qui peux nous donner, vers toi qui peux nous exaucer, vers toi qui peux nous écouter. Oui, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. En toi, nous avons le repos. En toi, nous pouvons nous reposer. C'est en toi où nous trouvons refuge. Voilà pourquoi nous sommes devant de toi. Nous te prions, Seigneur éternel, de pouvoir nous faire grâce. Ce soir, nous avons besoin de toi. Le chemin tracé par toi est un chemin glorieux. Le chemin passé par toi est un chemin vers la gloire. Dans le nom de Jésus, nous sommes devant de toi. Nous te prions, éternel Dieu. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ qui est notre chemin. Après son baptême dans le Jourdain, Jésus-Christ s'est retiré. Il est allé dans le désert où il devait être confronté lui seul à son Dieu. Cet espace nous est donné. Nous avons un moment spécial de pouvoir parler à notre Dieu. Quelqu'un peut encore dire à son Dieu, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. C'est au-devant de toi où mes faiblesses trouvent force. C'est au-devant de toi où mes difficultés sont facilitées. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Il n'y a qu'au-devant de Dieu où nous avons le repos, que ce soit dans le domaine de notre foi. Il n'y a que devant Dieu où nous pouvons lui dire, Seigneur, voilà, je n'arrive pas à tenir même 10 minutes dans la prière. Mais ce soir, je suis là au devant de toi pour que tu puisses me donner la force. C'est au devant de toi où je puise ma force. Je suis là ce soir pour puiser encore. Fortifie-moi, fortifie ma foi, fortifie-moi, je suis au-devant de toi, je n'ai personne d'autre chez qui je peux aller, je viens au-devant de toi parce que tu as dit, selon ta parole, viens, toi qui es chargé, je te donnerai mon repos. Mon cœur a besoin du repos. Mon cœur a besoin d'un repos. De ta grandeur où nous sommes, c'est dans les profondeurs où nous sommes au devant de toi. Nous entrons au devant de toi, dans la profondeur. Nous descendons, Jéhovah, Dieu de gloire. Nous montons dans les profondeurs de ta grandeur. Donne-nous la force. Donne-nous la force ce soir. Fortifie chacun de nous ce soir. Il n'y a que toi qui peux tout. Au nom de Jésus. De gloire en gloire. avec moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer et pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Tu peux te tenir debout pour qu'on puisse louer le Seigneur ensemble. Qui d'autre nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer? Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Donc qui soit loué, Jésus, qui soit loué, le roi de roi. Oh, louons, louons, Jésus, oh, louons, louons, le roi de roi. Qui soit loué, Jésus. Oh, qui soit loué, qui soit loué, le roi de rois. Oh, louons, louons, Jésus. Oh, louons, louons, le roi de rois. Eh, zola ya ya, wana zambi mukalo banga zola ya ya. Eh, zola ya ya, wana zambi mukalo banga zola ya ya. Kalomba kanzola ya ya, eh, zola ya ya, mana zami mukalomba kanzola ya ya, eh, kese ya ya, mana zami mukalomba kese ya ya, eh, kese ya ya, mana zami mukalomba kese ya ya. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a consolé. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, alléluia, Jésus. Il est roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Est-ce que tu peux le faire encore? Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Tu peux les faire encore une fois. Est-ce que tu peux les faire avec l'assemblée? Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Jésus, notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Victoire, victoire, victoire, victoire, Jésus, notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Oh, Jésus, c'est le Satan est terrassé. Oh, Jésus, c'est le Satan est terrassé. Oh, Jésus, c'est le Satan est terrassé. Oh, Jésus, c'est le Satan est terrassé. Oh, Jésus, c'est le Satan est terrassé. Oh, Jésus, c'est le Satan est terrassé. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pendant un court instant, nous nous inclinons en prière et nous adorons ce Jésus qui a terrassé Satan. Lui qui a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le contenir. Nous t'adorons parce que tu es plus puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi glorieux. Nous sommes devant de toi ce soir. Nous t'adorons parce que tu mérites notre adoration de ce soir. Sois élevé. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. C'est que tu présence. Nous bénissons ton amour. Nous croyons que tu es là et tu es vraiment là. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer pour le Seigneur? Un mystère. Chaque acte dans le culte a une signification. Quand les gens se lèvent, lève-toi. Quand les gens acclament, acclame. Il faut être participatif dans le culte. C'est très important. Alléluia. Nous avons 3 jours de prière que nous avons voulu appeler Djangwa. Et je vais essayer d'expliquer. Aujourd'hui, j'introduis. Et je vous donne en même temps le programme de ces 3 jours. Le programme de la fin de ce premier semestre. La moitié de l'année 2025 se termine dans quelques jours. Et c'est la dernière semaine de la moitié de l'année 2025. Nous voulons prier. Nous voulons évoluer dans la vie, pas comme d'habitude. Alléluia. Amen. Si Daniel a attendu 21 jours pour voir son miracle, Esther n'a fait que 3 jours. Et elle a vu son miracle. Alléluia. Amen. Je t'exhorte, bien-aimé. Pendant les 3 jours ici, que tu reçoives ton miracle. Ce qui était impossible, Esther a dit prier. Pendant 3 jours, moi aussi je prierai. Après les 3 jours, j'irai voir le roi. Si je dois mourir, je mourrai. Après 3 jours, elle n'est pas morte et la vie a changé. Oh, je prie le Seigneur qu'après ces 3 jours, que la vie de quelqu'un change dans cette salle. Alléluia. Amen. Il y a des moments où il faut se révolter dans la vie. Il y a des moments où, même quand on sert Dieu, on dit non, je vais servir Dieu un peu différemment. Il y a des moments quand on marche, on dit non, je vais marcher différemment. Je vais croire différemment. Il y a des choses que nous allons voir pendant ces 3 ou 4 jours. J'aimerais que le Seigneur puisse nous aider. Nous sommes à jeûne. J'espère que nous avons tous commencé le matin sans manger. Parce que nous cherchons la face de Dieu. Aujourd'hui, mercredi. Demain, jeudi. Et vendredi, nous serons ici. Depuis 15h. Jusqu'à 18h30. Parce que nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Samedi, nous allons faire un autre travail. où nous allons, toute l'église, faire des visites, nous allons nous répartir. Tu ne peux pas terminer l'année sans que tu aies visité une ou deux personnes. Et dimanche, nous aurons notre bonne nouvelle pour terminer le premier semestre. Vous savez, parfois nous venons dans l'église, nous entendons beaucoup de prédications, mais rarement les bonnes nouvelles. Sur les réseaux et partout, mais il n'y a pas de bonne nouvelle. La bonne nouvelle donne la solution. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle relève quelqu'un. La bonne nouvelle libère quelqu'un. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit d'annoncer la bonne nouvelle. Le monde a besoin de la bonne nouvelle. Nous sommes dans Juge chapitre 6 à partir du verset 25. Commençons par le verset 23. Juge chapitre 6, commençons par le verset 23. Jusqu'au verset 26. Commençons par le verset 22 pour que vous puissiez comprendre la pensée. Nous parlons sur les mystères de bâtir les autels de Dieu dans nos vies. Et pendant les trois jours, je vais relever trois grands mystères. Bien-aimé, le Seigneur connaît pourquoi il envoie sa parole. Parce que la vie est dans la parole. La guérison est dans la parole. Tout ce que nous cherchons est dans la parole de Dieu. Si tu saisis la parole de Dieu, tu saisis la vie. La Bible nous dit que Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donnant pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'autel que tu auras abattu. Alléluia. Amen. Donc pendant un temps, fulani, Dieu et Gédéon parlent de l'autel. Gédéon bâtit un autel. On va y revenir parce qu'il y avait un problème. Et Dieu lui demande de bâtir encore un autre autel. C'est-à-dire que quelque part, il y a un mystère autour de l'autel. Tu qui c'est quoi un autel. Pour comprendre ce que c'est un autel, nous devons aller à l'origine des choses. Depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu travaille avec des autels. L'autel, c'est un lieu de connexion. Un lieu de connexion spirituelle entre le divin, entre un Dieu et un homme. C'est un lieu de connexion. Il y a des terres où tu te retrouves alors que c'est un hôtel d'un Dieu quelconque. Il y a des maisons où tu peux entrer alors que c'est un hôtel d'un Dieu quelconque. Dieu demande de bâtir un hôtel. Avant de donner les différents mystères, je voulais juste vous expliquer d'abord comment on bâtit l'autel. Deux Chroniques, chapitre 6, verset 12. Et puis nous lirons dans 2 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 6. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Et il étendit ses mains. Car Salomon avait une tribune d'airain et il l'avait mise au milieu du parvis. L'autel se trouve dans la maison de Dieu. Et nous voyons un roi qui se met entre le peuple et l'autel. Il étend ses mains. C'est qu'il prie. Et sur cet autel-là, il y place des sacrifices. Le verset 14. Et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Devant l'autel, il y avait des paroles spécifiques. Qui devait libérer cette connexion. Il est passé à kufungua ile ambatanisho. Il priait. Aliom. Et il prononçait des paroles spécifiques. Alisema misemo ya nguvu ya peke. Par rapport à l'alliance. Kulinganisha na agano. Avec le Seigneur. Pamoja na Bwana. 2 Samuel chapitre 5 verset 6. Le roi marcha avec ses gens à Jérusalem contre les Jébusiens. 2 Samuel. Samuel ou Apir. Non, c'est 2 Chroniques chapitre 5. 2 Chroniques chapitre 5. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tairent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Verset 14 aussi. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Il a fait un hôtel. Sur cet hôtel, il a mis des sacrifices. Il a sacrifié. Quand il a fini de sacrifier, il a commencé à parler. Il a commencé à prier. Parce que l'autel, c'est un lieu de connexion. Il y a une connexion entre Dieu et l'autel. La gloire a rempli le temple. Au point où le service devait s'arrêter. Le service des hommes. Parce que Dieu commence à faire son service. Voilà l'autel. Quand tu bâtis un autel, et quand la connexion est établie, le Seigneur prend les choses en main. Le Seigneur commence à orienter le programme par rapport à l'autel. Alors pendant ces jours, il est massif. Nous voulons parler des mystères de bâtir les hôtels. Et nous allons voir différents types d'hôtels avec leurs caractéristiques. Comme nous n'avons que trois jours, j'ai pris trois types. Selon que Dieu m'a mis à cœur. Et ça va nous aider. De commencer la seconde moitié de cette année différemment. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Juges chapitre 6 à partir du verset 22 que nous avons lu. Gédéon est rencontré par l'ange de l'Éternel. Il lui dit, vaillant héros, Gédéon lui demande si c'est vrai tout ce que tu m'as dit. Reste ici. Je vais prendre mon offrande et je vais t'amener. L'ange de l'Éternel lui dit, ok, je t'attends. Gédéon rentre dans sa maison. Il prend son offrande. Il vient. L'ange lui dit, dépose sur le rocher. Il dépose son offrande sur le rocher. Le feu sort du rocher. Consume l'offrande. Et l'ange disparaît. Quand Gédéon voit cette scène, Gédéon s'est dit, je vais mourir. Parce que j'ai vu Dieu face à face. Parce qu'il est, comme personne ne peut voir Dieu physiquement. Personne. Et Gédéon réalise que j'ai vu Dieu. Et je vais mourir. Même quand Job dit que mon rédempteur est vivant, il se révélera le dernier. Mais Job ajoute que je ne le verrai pas avec mes yeux, pas avec ma chair, Mais quand Gédéon a vu l'ange de l'Éternel, Gédéon s'est dit, non, je vais mourir. Mais Dieu lui dit, bâtis un hôtel. C'est quand même curieux. Quelqu'un qui voit la mort, qui ne connaît pas encore l'antidote de la mort. Dieu lui dit, bâtis l'autel. Donc il fallait une chose pour arrêter la mort dans la vie de Gédéon. Que Gédéon ne savait pas. Mais que Dieu savait, il lui dit, bâtis l'autel. Et Gédéon est parti, il a bâti l'autel. Dieu lui dit, le verset 23, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel. Entre la première vie de Gédéon et sa nouvelle vie, vous allez remarquer très bien ce que Gédéon a fait. Tourner autour de l'autel. Quand Gédéon a bâti l'autel, c'est Gédéon qui est venu d'une famille misérable. C'est Gédéon qui est venu d'une maison misérable. C'est Gédéon qui avait un père idolâtre. C'est Gédéon qui était peureux. Il devait bâtir l'autel. C'est qu'il y a un mystère autour de l'autel. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le premier jour, je voulais parler du premier mystère autour de l'autel. C'est arrêter la mort. Arrêter la mort. Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Bâti un hôtel. Chenga mazaba. Bâti un hôtel. Chenga mazaba. Quand on parle de la mort, wakati wanazungumzia kifo, ce n'est pas seulement la mort physique. Haina paka kifo ya mwili. Vous savez, quand l'ennemi veut tuer ou tuer quelqu'un, il ne s'agit pas seulement de la mort physique d'un individu. Si Gédéon était mort, sa famille resterait toujours la plus petite à Manassé. La mort de Gédéon signifiait la mort de la famille. Il y a certaines familles. L'ennemi sait qu'en tuant telle personne, j'anéantis la famille. Quel que soit ce qu'il peut faire, J'anéantis le nom. Il y a eu des grands noms dans ce monde. D'autres ont persisté jusqu'à aujourd'hui. Mais d'autres noms n'existent plus. À cause de la mort. L'ennemi sait très bien. Gédéon vient d'une famille. Si je le tue, cette famille restera la plus petite. Non, restera la plus pauvre. S'il tue Gédéon, la tribu restera la plus petite. Donc il y a des tribus qui ne se relèvent que par un homme. Donc si on tue cet homme, on a tué la tribu. Ce Gédéon là, c'est lui qui battait le froment, qui cassait la récolte. Donc tuer Gédéon signifie que toute la récolte, toute la moisson. Oh, je comprends, bien aimé. Nous mangeons. Parfois, on ne se rend pas compte dans les familles. Parce qu'il y a un homme, une femme qui est en vie. Le jour n'est pas là. Même les champs seront les terrains de football. Et l'ennemi savait très bien. L'ennemi sait très bien. Quand tu as quelqu'un, c'est plusieurs personnes. C'est plusieurs choses. Gédéon est devenu juge en Israël. Donc la mort de Gédéon signifierait que pendant cette période-là, qu'il n'y aurait pas eu de juge. Donc il y a des gens qui vont rater de régner. Voilà. On va manquer de roi. Parce que la mort a frappé quelque part. Voilà le premier ennemi qu'il fallait combattre. Sans oublier que Madian était là. La mort de Gédéon signifierait qu'il n'y aurait eu personne pour combattre Madian à ce moment-là. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, tu ne mourras pas. Bâtis un hôtel. Oh, ce soir, j'aimerais que tu comprennes ces choses. De bâtir un hôtel qui va arrêter la mort. Parce que la mort, ce n'est pas seulement la mort d'un homme. C'est une succession des morts de plusieurs choses. C'est une succession de morts de plusieurs choses. La nature ne nous enseigne pas ces choses. Quand un homme est mort, c'est plusieurs choses qui sont mortes. C'est pourquoi la mort, ce n'est jamais une bonne chose. Jamais une bonne chose. Et nous devons prier. Napasha kuomba. Il faut aller au ciel au moment que Dieu a choisi. Yafazali kuingia mbinguni wakati le Mungu yeye mwenyewe anachakula. Être rassasié de jour. Kushiba mashi. Et se reposer de ses œuvres. Na kupumzika kwa ajili ya makazi. Pendant ce temps, Dieu aura déjà préparé une relève. Mungu atakuja kutayarisha kombola. Mais dans le mystère de l'autel de Dieu, c'est un autel qui arrête la mort. Il y a des familles aujourd'hui qui sont poursuivies par la mort, qui voit la mort, qui sent la mort venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53. Matthieu chapitre 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Ça, c'est une démonstration. Pour arrêter la mort, Dieu a voulu aussi faire un hôtel à Golgotha. Il a mis Jésus sur l'hôtel comme sacrifice. Il a établi la connexion. Et cet hôtel-là, Christ, quand il est mort, comme sacrifice. Souvenez-vous très bien que quand Jésus entre dans ce monde, Jean-Baptiste le présente comme l'agneau. Comme un sacrifice pour l'offrande. Et Dieu a fait expressément. Jésus n'est pas né parmi les hommes. Il est né parmi les animaux. Et les animaux dont il est question, ce sont des animaux sacrificiels. Donc Jésus-Christ lui-même, comme un agneau, comme un sacrifice que Dieu a préparé pour un hôtel, pour délivrer le peuple de Dieu. L'agneau de Dieu. C'est l'agneau que Dieu devait donner lui-même sur son hôtel. Et cet hôtel-là a arrêté la mort. La Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent. Oh, je prie ce soir que certaines choses doivent s'ouvrir pour libérer dans nos vies des choses qui sont mortes. Alléluia. Amen. Les sépulcres s'ouvrirent. Et la Bible dit, bien assez, ceux qui étaient morts sont revenus à la vie, plusieurs. Ils sont même entrés dans la ville, on les a vus. Donc ce n'était plus l'histoire. C'était la réalité. Il y a un hôtel à bâtir ce soir qui arrête la mort dans nos maisons. Qui arrête la mort dans nos maisons. Parce que la mort de Gédéon devait se traduire par plusieurs types de morts. La famille, la tribu, Israël, les récoltes, la royauté, les ennemis. Donc, c'était plusieurs choses qui devaient être perdues. Oh bien-aimé, la mort amène la perte de plusieurs choses. Elle amène la perte de plusieurs choses. C'est pourquoi nous devons prier et bâtir l'autel de l'Éternel. Vous savez, Dieu est bon. Dieu donne la bonne nouvelle. Souvent, on ne réalise pas. Dieu va vous mettre à cœur de prier. S'il veut, il va vous dire pourquoi. S'il ne veut pas, il vous dit de prier. La vie est spirituelle. Le temps est spirituel. Il est Alpha et Omega. Il arrive à la fin. Et il rentre au commencement pour travailler maintenant. Dans notre langage humain, l'alpha précède l'oméga. Mais avec Dieu, l'oméga précède l'alpha. Dieu commence toujours ce qu'il a achevé dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est qu'il a déjà achevé ça dans son plan. Maintenant, il vient travailler avec toi. Comme ouvrier, comme co-ouvrier. Comme co-héritier. Si tu saisis la pensée de Dieu, bien aimé, tu travailles avec Dieu. Tu vas réussir. C'est comme ça que parfois Dieu te dit, ok, prie. Il était dans le calendrier, il a vu la fin, il rentre avec toi au commencement. Et vous travaillez ensemble avec le Seigneur. Oh bien-aimé, il est temps pour nous. Nous sommes en train de terminer le premier semestre. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce, chacun dans sa vie, d'arrêter la mort. Bâtis l'autel dans ta maison. Bâtis l'autel dans ta vie. Arrête la mort. C'est sur un calendrier qui vient. Et Dieu t'en parle aujourd'hui. D'arrêter. Dieu dit à Gédéon, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit l'autel. Le premier hôtel que nous voulons bâtir aujourd'hui, mercredi. C'est d'arrêter la mort. D'arrêter la mort dans nos vies. Et nous devons comprendre ces choses. Chacun de nous devra prier. Et nous avons dit que c'est 3 jours de jango, 3 jours de prière. Donc, nous allons commencer à prendre maximum 30 minutes dans la prédication. Pour que nous ayons le temps de prier. Après la prédication, tu peux t'asseoir par terre debout. Si la chaise t'intéresse, tu prends sur la chaise. Mais nous voulons prendre du temps pour la prière. Oh bien-aimé, c'est important. C'est important. Il y a des choses que Dieu fait. Qui sont vraies. La Bible dit, c'est un verset qui est dans l'Ancien Testament, qui est repris exactement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est Habakkuk 3:4, je pense. Dans le Nouveau Testament, c'est Romains 1:17. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La Bible ne dit pas que le juste se réveillera le matin par la foi. La Bible ne dit pas que le juste va surgir à midi ou devant le repas. Mais parfois, on veut prier devant le repas. On veut prier le matin. On veut prier le soir. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce que je veux faire comprendre, la foi, c'est la vie. Alléluia. Amen. Le juste vivra par sa foi. Il vivra par sa foi. Donc, tous les instants de ta vie, exerce ta foi. Tous les instants. Oh bien, mais c'est très important. Sois chrétien. Être chrétien, ce n'est pas prier. Parce que nous sommes sauvés par la foi. En fait, nous sommes sauvés par deux choses. Deux choses. Nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. C'est ce qu'Ephésiens 2:8 nous dit. C'est ça? Je pense, Ephésiens 2:8. Nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. Donc la grâce de Dieu est là. Mais pour que ça t'arrive, c'est toi. Toi, tu dois avoir la foi. Alléluia. Amen. Les miracles de Dieu sont là. Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? C'est mon problème. C'est ma foi. On pourrait être sauvé. Là où il y a la grâce, je dois exercer ma foi à moi. C'est important de comprendre ces choses. Ce soir, nous voulons prier. Parce qu'il faut arrêter la mort. La mort dans nos vies. Il faut arrêter. Et cela, par la prière, par le sacrifice, en bâtissant un autel. En bâtissant un hôtel. Pour terminer, je veux dire quelque chose tout en rendant grâce à Dieu. Et c'est pendant que je priais ce jour-là que le Seigneur commençait à me parler de ces choses. Je pense que vendredi j'étais en déplacement. Fatigué. Après un voyage. Mais j'arrive à l'hôtel. Je me dis non que je me repose. Mais je n'arrive toujours pas à dormir pendant la journée. Quelque chose me dit, commence à prier. Oh, je prie. Je prie. J'arrête. Je vais descendre. J'arrive dans l'ascenseur. Quelque chose me dit, non, non, rentre encore prier. Et puis je dis que je suis fatigué. Je rentre, je prie encore. J'essaie de m'allonger, le sommeil ne vient pas. Je prie. Et c'est là que je commence à méditer sur ces choses. Je prie, je prie. Je médite. Je prie. Et puis non, je dois me déplacer. Pour aller faire une action de grâce quelque part. Je dis à mon chauffeur, tu es où? Il dit non, je suis dans le parking, dit que j'arrive. Nous partons. Et c'est pendant ce temps-là, je reçois un coup de fil délicatif qu'il y a une catastrophe qui est arrivée chez moi. On dit non, ton fils vient de faire un accident. Comme d'habitude, je reste calme. Le temps d'écouter, quand il y a des problèmes graves, c'est mieux vaut d'abord ne pas parler. Je reste calme. Je dis bon, ok. Je dois terminer ce que j'étais en train de faire. Mais jusque-là, on dirait que dans ma tête, je n'ai pas vu le remind, je n'ai pas vu les événements. J'ai terminé tout ce que j'avais terminé. Comme nous sommes dans un monde de couches tard, je suis rentré tard. C'est à ce moment-là que j'ai compris quand je devais maintenant encore prier le soir. Alors tout le film me revient. C'est là que j'ai compris pourquoi Dieu parle. À supposer que ça ne te trouve pas dans la prière. À supposer que tu ne comprends pas, tu ne t'es pas laissé entraîner par le Seigneur. À ce moment, tu te dis que qu'est-ce qui se serait passé? Oh bien-aimé, la prière est efficace. Alléluia. La prière est efficace. C'est vrai, le monde il est spirituel. L'ennemi fait ce qu'il fait. Mais nous croyons que Dieu fait ce qu'il fait aussi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que pendant ces trois jours, fais-toi violence. Ne mange pas. Prie pour toi. Prends ton thé. Et continue la prière. Prends le soir le thé, je ne sais pas, le café, ceux qui boivent le café. Mais reste en prière. C'est important. Parce que le second semestre vient avec sa grandeur. Alors tu ne dois pas mourir. Parce que si tu meurs, c'est beaucoup de choses qui vont mourir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On acclame pour le Seigneur. Alors nous allons prier pour que dans cette atmosphère, bien-aimé, il faut que tu étendes tes mains. Il faut que tu pries jusqu'à ce que toi-même, Dieu te mette à cœur de prendre ton sacrifice et de parler et de donner, de sceller. Le panier restera tel qu'il restera. L'objectif, ce n'est pas l'offrande. L'objectif, c'est que tu arrêtes la mort dans ta vie. Que tu arrêtes la mort dans ta vie. C'est ça l'objectif. Dieu Shaba. Oh bien-aimé. Wapendwa. Nous devons prier aujourd'hui, demain et après-demain. Si je commence ça, on n'aura pas le temps de prier. On va en parler aussi demain. Mais nous voulons prier d'abord. Prends la position qui te convient. Parce qu'il y a des choses que nous voulons arrêter. Oh bien-aimé, Gédéon, sa famille, Jamaya, sa tribu, Israël, sa vie, les ennemis, le règne. Mais tous ces aspects de la vie, il a réussi à les sauver. Tu te plains pour rien. Les hommes n'auront pas pitié de toi. La pitié n'est pas le salut d'ailleurs. Aujourd'hui là, Léo, quelque chose doit changer dans ta vie. Je suis fatigué d'exposer mes problèmes chez les hommes, d'attendre leur pitié. Oh bien-aimé, aujourd'hui tu dois refuser Léo, la mort dans ta vie. Tu ne mourras pas. Parce que Dieu a permis que tu bâtisses l'autel qui va arrêter la mort. Il y a la victoire sur les ennemis qui arrivent. Il y a le trône des juges qui arrive. Il y a la délivrance de la pauvreté de la famille. Il y a la délivrance de la tribu. Il y a la délivrance des récoltes. Ils venaient comme des sauterelles. Mais pour arrêter les sauterelles, il fallait rester en vie. Oh bien-aimé, il y a des jours où tu dois te révolter. Ici, ce qu'il te faut se trouve en toi. Ça se trouve à l'intérieur de toi. Exerce cela. Exerce cela. Nous voulons être une église des gens qui prient. Des gens qui comprennent des principes. Si tu comprends le principe, tu peux le répéter dans toutes les circonstances et avoir des résultats. Oh bien-aimé, pendant que ce n'est pas encore arrivé, prie le Seigneur pour que ça n'arrive pas. Prie le Seigneur pour que ça n'arrive pas dans ta vie, dans ta maison, sur ta famille. C'est pour nous le temps de prier. Élève ta voix. Commence à monter en prière, bien-aimé. C'est trois jours de prière. kubariki sana. Mama ombi hivi inafungulwa kana bibi kwa bishakufa. Les sépulcres se sont ouvertes. Bita funguka na bibi kwa kuzika kwa maisha yako. Maintenant que tu as prié, commence à bâtir l'autel. Tu bâtis ton autel, tu bâtis ton sacrifice et tu prononces des paroles. Tu dis que les vivants entrent dans ta maison. À part la bifo, non, non. Il devait ressusciter et sortir des sépulcres pour entrer dans la ville. Tu pries. Tu bâtis l'autel au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en prière pendant qu'on nous accompagne. Élève ta voix, continue à prier et continue à bâtir ton autel maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Léo y hôtel, dit qu'on a arrêté qu'il faut. Dit qu'on a simami ça qu'il faut. Mama Isaya, dit qu'on a simami ça qu'il faut. Mon Yumba, dit qu'on a simami ça qu'il faut. De toutes sortes, mon visage. Non, c'est fini. Mina Simanisa. Daria Kizaz. Mina Simanisa. Mundumba. Mina Simanisa. Mukanisa. Ya Sutrendo. Mina Simanisa. Gatikati Nana Yesu. On se tient debout, on se tient debout. Nous sommes en train de terminer, on se tient debout. Mina penda uombe hivi. Mwambie Mungu. Kwanza leo. Mina katala pepo yote ya kifo. Inishindikishe wala inifate mwi mweji niko naingia. Mina katala. Katika jina la Yesu. Mina repete. Useme. Kupitia mamlaka ili Mungu anakupatia. Leo. Mina katala. Pepo yote. Ya kifo. Ndani ya maisha yangu. Ndani ya viungu vyangu, ndani ya nyumba yangu, inisindikishe mwezi ndiko naingia katika jina la Yesu. Elève ta voix, commence à prier. Prie maintenant pendant quelques minutes dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Droite là où tu es. C'est ma bwana Yesu. Mangaribi aleo. Mina proclamé. Buzima. Muma isha yangu. Munyumba yangu. Muma kazi yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Commence à proclamer la vie. Commence à proclamer la vie. Au nom de Jésus. Je proclame la vie dans l'église. Ta main là où tu es. Père, je te bénis ce soir parce que tu as arrêté la mort. Tu as éloigné l'ange de la mort. Je proclame la vie. Même s'il y avait quelque part la mort qui se préparait contre la vie de tes enfants. Ce matin, j'arrête cet esprit et je proclame la vie. Tu ne mourras pas au nom de Jésus de Nazareth. Ma kasi ya kwa itakufa. Ki fwa ki tengi ya mounoumbaya. Il faut qu'il t'a coupé ta fata mon makasia. Kati kati na la Yesu. Baba Sante. Bariki Kadisa. Bariki batoto yako. Mina recommande que la kintu mikono yako. Baba mina recommande journée ya kesho. Fortifié. Muma nyumba yetu. Tuanze kuomba kwa rete bifu. Tu n'es qu'à la compembeni, n'a qu'à j'y privé chakula. Tu ne peux pas te matoquer, y'a ma ombie. Moui li kwe disposé, koukou ta fouta we, mungu tu saïdi. Parce que tu es vrai. Bariki ta ifalako, bariki i kanisa, tu na omba, mou tina la Yesu, tu na sema, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à demain. Il est hors de question.